Vous avez choisi ? Oui, nous allons prendre deux formules, entrée, plat et dessert. Très bien, je vous écoute. L'entrée du jour, c'est du melon au jambon cru. Bien, alors deux melons en entrée. Deux entrées du jour. Et comme plat ? Je crois que je vais prendre le poulet. Qu'est-ce que c'est la sauce suprême ? C'est une sauce blanche à la crème fraîche. Le poulet de Bresse, sauce suprême, est une spécialité de la maison. Je vous le recommande. Bien, alors un poulet de Bresse. Pour moi, un filet de bœuf, sauce au poivre. Quelle cuisson ? À point. Vous désirez boire du vin ? Oui, une bouteille de Saumur Champigny. Et de l'eau ? Oui, une bouteille d'eau minérale. Plate ? Gazeuse ? Gazeuse.